Il avait eu la même idée. Bac se cachait dans le gâteau. Vous avez gâché sa surprise. Vous ne vous parlez plus, c'est la crise. Il vous doit des excuses. Vous restez sans bouger. Allez, à la dernière place du CD. C'est vous qui faites le premier pas. Allez, plage 43. Là, là, là. Tu peux m'enlever les fesses, s'il te plaît. La la la. Ah, c'est mieux. La la la. La la la. La la la. La la la. Plage 43 ou dernière plage du CD.